Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Levons-nous pour la lecture de la parole. Prenons notre écriture. Dans Psaume 83. Zaburi makumi mnane na tatu. Nous commençons au verset 3. Tuanzie kumstari ya kiatatu. Père céleste. Baba wa kumbingu. Merci pour ce vendredi. Aksanti jua ikazitano. Mes frères et mes sœurs étaient ici. Banduku yangu na badada yangu walikuwa hapa. Parce que chacun de nous avait un besoin. Sababu kila mmoja wetu alikuwa na hitaji. Toi tu es omniscient. Wewe ukulo unajua yote. Et tu connais les besoins de chacun de nous. Na unajua hitaji ya kila mmoja wetu. Et tu connais ce qui nous est favorable. Na unajua kinyekwa kia kizuri kwetu. Réponds à chaque prière sincère. Jibu kwa kila ombi ya moyo wote. Et notre joie sera au comble. Na furaha yetu itajazwa. Nous glorifierons ton nom. Tuta tukuza jina lako. Et notre foi augmentera en toi. Na imani yetu itaongezeka ndani yako. Ne laisse aucune prière inexaucée. Hapana kuacha taombi moyo ashipo kujibiwa. Merci Seigneur Jésus. Aksanti Bwana Yesu. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Tuko lazima ya uwepo wako katikati yetu. Parce qu'il est écrit que c'est l'onction qui enseigne. Sababu imeandikwa ya kwamba ni upako uje kunafundisha. Les hommes ne peuvent rien. Batu abawezi kitu. Mais toi par ton esprit tu peux tout. Lakini wewe kupitia roho yako unaweza yote. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Bariki mtumishi wako leo utumia. Pour conduire l'église dans la prière. Ya kuongoza kanisa katika maombi. Du début à la fin de ce service, sois honoré. Mwanzo na mwisho wa ibada uheshimiwe. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Bwana Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Psaume 83. Zaburi sura makumi mnane na tatu. Verset 3 jusqu'au verset 6. Mstari ya tatu kufika pa kuya sita. Car voici tes ennemis s'agitent. Tazama basi ba adui yako wanaanza kuhangaika. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Bale banakuchukia banalamusha bichwa yabu. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Banatunga juu ya taifa yako matengenezo moya ya bujanja. Et ils délibèrent contre eux, contre ceux que toi tu protèges. Na beko na patana juu yabo bo bali wako na kinga. Venez, disent-ils. Kujeni beko na sema. Exterminons-le du milieu des nations. Tuba malize katikati ya mataifa. Et qu'on se souvienne plus du nom d'Israël. Na bashitakumbuka ketena jina ya Israeli. Ils se concertent tous de même cœur. Beko na patana bote na moyo wabo moja. Ils font une alliance contre toi. Beko na fanya agano ya kupinganisha na wewe. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu ongeze baraka kusomea neno lake. Nous continuons à parler sur Israël avec ses voisins. Tukunendelea kusemea yule Israeli pamoja na banduku na inchi yake. Ici nous voyons les prophéties. Hapa tukunaona maunabi. Que Dieu lui-même a donné à l'égard de tous ses voisins méchants d'Israël. Ile Mungu ye mwenye alileta juu ya ile bajirani yake bote babaya kumzunguka Israeli. Ses voisins qui ne jurent qu'à la disparition d'Israël. Aba banduku na inchi beko na la papaka Israël apate kupotea. Avec un objectif de se partager son territoire. Na shaba ile bapate kugawanyana bulongo bwake. Ses voisins méchants manifestent leur haine envers Israël. Bajirani yake baba ya beko naonekanisha chuki yabo kwa Israeli. C'est à cause de leur jalousie. Ni kwa sababu tu ya mukao yabo. En voyant ce que Dieu a fait avec Israël. Kuona vile Mungu alifanya na Israeli. En voyant la protection divine sur Israël. Kuona ukingo ya Mungu yule Israeli. En voyant les promesses faites, les promesses glorieuses faites à Israël. Mukuona ile mamlaka ya utukufu Mungu alifanya kwa Israeli. En voyant comment Dieu a séparé Israël de toutes les nations de la terre. Mukuona vile Mungu alitenganisha Israeli na mataifa yote hapa dunia. Dans leur cœur, ils sont tristes. Mumio yabo banakuwa na huzuni. C'est pourquoi ils font des complots. Joko mana wananza kutunga mabitu. Ils vont dans des conférences. Banenda ma conférence mkupatana patana. Ils font des réunions. Banafanya ma mashauri ma mungano. Ils parlent contre Israël. Banasemea bibaya kwa Israeli. Ils font des plans de destruction contre Israël. Banatunga mamapu ya kumwaribu nayo Israeli. Parce qu'il ne jure qu'à sa disparition. Sababu bobo kuna lapa tu paka Israël apotee. Même quand ils font des alliances avec Israël de paix. Hata wakati beko natunga magano ya salama na Israeli. Ils le font par hypocrisie. Beko naifanya tu kwa mansula mbili. Ils ont un double langage. Beko na lulimi lwiri. Et même dans leur alliance, il y a des pièges. Hata mwenye mwagano yabo na Israël muku mamiteko. Pour engloutir Israël. Juu ya kumutumbukiza Israeli. Heureusement, Israël a un défenseur. Kwa bahati mkubwa Israeli yeko na ule kuna mkombania. Et le défenseur d'Israël n'est pas sur la terre. Na mwenye kumkombania Israeli ana pa dunia hapa. Son défenseur est au ciel. Mwenye kumkombania yeko kumbingu. Et il est le Dieu tout-puissant. Na ni Mungu awezo yote. Lui-même qui se nomme le Dieu d'Israël. Ye mwenye kunejita sema Mungu wa Israeli. Le protecteur d'Israël. Mulinzi wa Israeli. Le défenseur d'Israël. Mwenye kumkombania Israeli. Peu importe le complot de ses ennemis. Aizuru mapatano yote ya badu yake ile beko natunga kwa Israeli. Dieu ne permettra jamais. Mungu ataruhusu kamwe. Qu'Israël soit détruit. Israël apate kuharibiwa. Parce qu'Israël est une propriété privée de Dieu lui-même. Sababu Israël ni mali ya upekee ya Mungu yeye mwenyewe. C'est une partie de Dieu. Ni sehemu yake yeye Mungu. Celui qui touche à Israël, ule anagusa kwa Israeli, il touche à Dieu. Anamgusa ni Mungu. Celui qui fait des plans contre Israël, ule anatunga mamapu ya kumkomanisha na Israeli, il le fait contre Dieu. Eko naifanya ni kwa Mungu. Celui qui maudit Israël, ule analaani Israeli, il maudit Dieu. Anamlaani ni Mungu. Et quand quelqu'un s'oppose à Dieu, il s'oppose pour sa destruction. Il s'oppose à Dieu, c'est pour sa propre destruction. C'est pourquoi Dieu, en voyant cette haine dans le cœur de ses voisins, en voyant la méchanceté des voisins d'Israël, en voyant les plans de destruction que tous les voisins ont monté contre Israël, Dieu n'est pas resté muet. Il n'est pas resté sans rien faire. C'est ainsi que dans l'amour pour Israël, Dieu a prononcé un jugement sur chaque voisin d'Israël. C'est ce que nous sommes en train de voir. Nous avons parlé de la Jordanie. Nous avons montré comment Dieu a parlé sur eux et la récompense qu'ils auront. Deuxièmement, il y a la prophétie contre Edom. Edom, c'est Esaü. Edom ni Esaü. Le premier-né d'Isaac, muzali wa kwanza wa Isaka, mais le jumeau de Jacob qui est devenu Israël. Mwenye kuya mpundu wa Yakobo ula nakuya Israeli. Comme nous l'avons lu dans les jours passés, vile tulisema tulisoma masiku inapita. Lorsque Esaü avait vu qu'il avait perdu la bénédiction, wakati Esau alionaka sema anapoteza baraka yake, et que c'est son jeune frère qui en avait profité, na ni mdogo yake jo aliweza kufaidia nayo. La Bible dit il avait conçu de la haine contre son frère. Biblia nasema Esau alitunga chuki kwa ndugu yake. De telle manière que dans son cœur, il avait monté même des plans pour dire, les jours de la mort de mon père approchent. Pendant les jours du deuil, moi je tuerai Jacob. Parce qu'il m'a ravi le droit d'aînesse et la bénédiction du droit d'aînesse. Et cette haine qu'Esaü avait conçue dans son cœur, il a répandu sur sa gêne, sa descendance. Esaü a pris sa propre haine. Esaü a rebeba le chuki yake mwenyewe. Et il a enseigné cela à ses enfants, à ses petits-enfants et à toute sa descendance. Alifundisha kwa watoto yake, kwa bankana yake na kuzao yake yote. C'est ce que nous voyons même sur cette terre. Njo hata ile tukunaona pa hii dunia. Il y a aujourd'hui des familles qui se déchirent. Il y a des tribus qui se déchirent. Rien qu'à cause des conflits de leur arrière grand-père. Et leur conflit est enseigné à leur génération. Nata de génération en génération, ils continuent à enseigner leur conflit et leur haine. C'est ça l'œuvre de Satan. Diviser les gens, semer la haine dans les gens. Pour que les gens continuent à s'entretuer. C'est l'œuvre du diable. Nous, en tant que chrétiens, nous devons toujours avoir le sentiment qui était en Christ. Nous devons avoir la nature qui était en Christ. Quelle est cette nature qui était en Christ? Quels sont les sentiments qui étaient en Christ? C'est le sentiment de pardon. Savoir pardonner ceux qui nous offensent. Savoir pardonner nos ennemis. Apprendre à ne pas se venger. Même lorsque quelqu'un te fait du mal, pardonne et oublie cela. C'est ça notre nature. Mais cette nature d'Ésaü, se révèle souvent dans les hommes et les femmes qui sont destinés à la perdition. Ils ont en eux le caractère du serpent. Il est tabia ya nyoka. Le caractère de Caïn. Tabia ya Kaina. Vous voyez frère. Munaona banduku. Vous voyez sœur. Munaona badada. Il y a des fois nous qui conduisons les gens. Kuko mara mingi chetu kunaongoza batu. Il y a des comportements qui nous étonnent. Il y a des langages. Il y a des actions qui nous étonnent. Tu peux voir un frère ou une sœur qui semble être un bon chrétien. Mais dans une période de conflit avec son frère ou sa sœur, il peut prononcer des paroles qui brisent nos tympans. Il peut révéler un caractère entièrement satanique. Vous trouvez un frère, vous trouvez une sœur qui se retrouve en conflit avec son frère ou avec sa sœur. Il révèle une haine à l'égard de son prochain qui va jusqu'à la mort. Il prononce des paroles haineuses comme s'il n'a jamais entendu la parole de Dieu. Il jure au nom de la haine. Il ne jure que par la vengeance. Vous vous mettez à l'exhorter. Il rejette même l'exhortation de Dieu. C'est le caractère de Caïn. Caïn, les enfants du serpent, des méchants qui ne connaissent pas le pardon. On peut dire aux frères, à la sœur, ce que tu fais ici n'est pas bon. Même si tu as offensé, c'est ton frère. Si elle t'a, il t'a offensé, c'est ta sœur. C'est un humain. Ce n'est pas un ange. Pardonne ton frère. Pardonne ta sœur. Non, je refuse. Il l'a fait sciemment. Maintenant, je vais le faire sentir comment. Je vais le faire sentir comment je suis. Vous révélez seulement que vous êtes un enfant de Caïn. Il me saura maintenant. Il langage qui parle à nous, il y a de Satan. Oui, bien mes frères. Écoutez-moi ce soir, frère. En tant que chrétien, abandonnons cette habitude de raconter à nos enfants, à nos amis, à nos petits-fils, les différends que nous avons avec les autres. Ni tabia moya ya mubaya ya shetani. C'est un très mauvais caractère de Satan. Kama unakosana na nduku yako. Si vous vous opposez avec votre unakosana na dada yako. Vous êtes en opposition avec votre sœur. Hapana kwenda kuadishia. Vous pas les raconter. Ile makokotano yenu batoto yenu. Cette opposition là vos enfants. Nous les voyons même dans nos familles biologiques. Où les dada tusikilizana kenaye. Où les mukuba tusikilizana kenaye. Où les muloka tusikilizana kenaye. Batoto yanga bawezi kwenda kwake. Bake na baba bawezi kwenda kula kwake. Mes enfants ne peuvent pas venir. Ni bu shetani bule. C'est un caractère satanique. Vous n'êtes pas un chrétien. Vous n'êtes pas une chrétienne. La haine dans tes enfants, En quoi vous êtes différent d'Ismaël? Les enfants qui ne sont pas de la promesse, vous voyez, sont toujours animés par la vengeance. La haine est leur caractéristique. La vengeance. Ils aiment la malédiction. Ça ne doit pas être ainsi. Lorsque vous êtes en opposition avec votre sœur, vous êtes en opposition avec votre frère, vous changez kwenda kusema ile mambo mujama yako. N'allez pas en parler dans ta famille. Il y a des frères et des sœurs démons. Uko banduku na badada ba demona. Il un diacre. Shemashi moya. Peut lui causer du tort. Anaweza kumkose. Voyez. Unaona. Ou il peut voir dans une action d'un diacre. Anaweza kuona mtendo. Comme lui causant du tort. Sawa ile tendo namkosea yeye. Ou peut-être le pasteur. Ou l'ancien. Ou un prédicateur. Ou un diacre. A repris. Arkemea. Cette sœur ou ce frère. À cause d'une erreur qu'il a fait. Sababu ya kosa mwa ule nduku alifanya udada. Et lui dans lui ou elle dans sa famille, quand le soir arrive, il se met autour d'une table, il commence maintenant à dire du mal contre le pasteur, contre le diable, contre l'ancien, contre un frère, contre une sœur. C'est un homme très méchant. Mouna diakreule, ni mutu mubaya sana. Là, c'est un très mauvais. Mwana frère flani. Voyez le tel frère. Il faut que ce soit qu'on aille. Il faut tirer attention avec vous. Ou Shetani. Vous êtes tout simplement un Satan. Tu es un démon. Uko démona. Il n'y a que les démons qui font ça. Ni paka tuma démona ndio nafanya ka vile. Cet évangile là. Il est injili ya vile. Que vous prêchez à tes enfants. Na ubiri kwa toto yako. L'aidera à les conduire en enfer. Itabasaidia kubongoza paka mgeena. Comme toi-même tu es fils de l'enfer. Ile wewe mwenyewe kumwana wa geena. Si on voit même dans l'église, les enfants des frères ne respectent pas les frères, les enfants des sœurs ne respectent pas d'autres sœurs, les enfants des frères ne respectent pas les conducteurs. Souvent, ce sont des parents qui parlent d'une manière négative à l'égard de leurs conducteurs et à l'égard de l'église, à l'égard des frères et sœurs. Si nos jeunes sœurs sont épousés par les païens, sont engrossés par les païens, sont les enseignements qu'ils reçoivent dans leur propre maison. On méprise les frères, on méprise les sœurs, et les enfants reçoivent. Comment un enfant peut dire: je refuse que les frères puissent m'épouser. Pourquoi les refuse? C'est parce que ça est parle à mal contre les sœurs. Et je ne comprends pas pourquoi Michel, mes enfants ne viennent pas à l'église. Ou Koshetani, vos enfants ne viennent pas à l'église parce qu'ils voient en toi la haine contre l'église. Tu parles mal contre l'église. Tu parles mal contre les pasteurs. Comment tes enfants aimeront les pasteurs? Comment tes enfants viendront dans une église que toi tu n'apprécies pas? Il est où Kanisa ou Fraiki ou Seme Bizuri? Ni kuba frère, ni kuba toto yako. Chokule kuna staki ba sœur. C'est le frère. Chokule kuna staki ba frère. Chokule kuna staki ba pasteur. Il y a un pan les frères et les sœurs. C'est le comportement d'Esaü. Ni tabia Esaü. Le comportement de Caïn. Ni tabia ya Caïna. Voyez bien mes frères. Munaona bapendo banduku. Voyez bien mes sœurs. Munaona bapendo badada. Et pourtant Israël, Japo Israeli, est le frère d'Esaü. Ni nduku yake Esaü. Même père, même mère. Baba moya na mama moya. Mais lui Edom, lakini sasa yeye Esaü, Esaü, Edom c'est lui-même Esaü. Edom jo Esaü yeye mwenyewe. Il a distillé Aruza Arikabula. Il a distillé Kabula la haine dans ses propres enfants, dans sa propre progéniture, contre son propre frère Israël. Israeli. Dieu l'a conseillé plusieurs fois, il n'a pas écouté. Et comme il avait une haine qui persistait contre son frère et qui ne voulait qu'à sa destruction, comme il l'avait décidé quand il était vivant, comme lui ne l'a pas fait de son vivant, il a transmis le message à sa postérité pour qu'il les quitte ses sentiments. Et Dieu dit ceci: la prophétie contre Edom, Esaü. Ézéchiel 35. Ézéchiel sura makumi tatu na tano. Écrivez Ézéchiel 35. Mwandike Ézéchiel makumi tatu na tano. Verset 1. jusqu'au verset 15. Écoutez. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Sir. C'est-à-dire contre Edom, les autres qui ont la tradition la parole de vie ou français courant, c'est écrit Edom. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Seir et prophétise contre elle. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je m'en vais à toi, Edom. J'étends ma main sur toi. Et je fais de toi une solitude et un désert. C'est-à-dire, tu seras abandonné sans être fréquenté par les hommes et aucune personne ne fera commerce avec toi. Il n'y aura plus de gens qui pays faire des commerces. C'est-à-dire, on va couper des relations avec toi. Et je ferai de toi un désert. Tu deviendras un désert. Je mettrai tes villes en ruine. Ta pomona, ma midi ya koyote. Détruis toutes tes villes. Tu deviendras une solitude. Et tu ne sais, tu seras complètement abandonné. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Pourquoi je vais faire ça? Sur toi, Edom. Verset 5. Parce que tu avais une haine persistante. Dans la traduction, parole de vie, il dit: tu as toujours détesté les Israélites. Vous voyez, pourquoi Dieu promet de détruire Edom? Analaka sema taribu Edom. Esaü. Vous voyez, naona. C'est parce que Dieu l'a conseillé. Ni kwa sababu Mungu alimshauria. Même dans la loi de Moïse. Ata msheria ya Musa. Dieu a dit: Mungu alisema, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Utampenda jirani wako sawa wewe mwenyewe. Même dans la loi, Musheria, il y avait une année de grâce. Murkuyaka, mwaka mwa tu ya nema. Malgré les exhortations de Dieu, ata ma kuonya kote kwa Mungu, Edom lui a persisté dans sa haine. Mwile chuki yake. C'est comme ça que beaucoup de frères et sœurs se comportent. Frère, Dada, imambushishe. Que ce problème se termine. Non! Apana. Aitaisha. Ça ne va pas se terminer. Pakaone. Il faut naya shikie. Qu'il puisse aussi me sentir. Chiacha ko ile mambo. C'est mambo ile fikaka ku bantu. Na mambo ina malizikaka. Angara mbere kile neno la Mungu iko nasema. Dio pasteur. Ile ni neno la Mungu. Oui, pasteur, ça c'est la parole de Dieu. Mais Yeye era mukristu. Kama alikuwa mukristu, hakuwezi kufanya ile. Ile era mukristu. Ifanye mutende na ya kipagano. Faut que je puisse agir comme un païen contre lui. Vous êtes seulement un enfant de Caïn. Où kotu mutoto wa Kaina? Batoto ya nyoka bashikiake ma exhortation ya Mungu. Les serpents n'écoutent jamais les exhortations de Dieu. Dieu avait honoré wakati Mungu alishimishwa l'offrande d'Abel alichika wa sadaka ya Abeli. Abel n'avait rien fait. Abel yashikufanyage kitu a Kaïn wa Kaina. Ce n'est pas Abel qui avait dit à Dieu aina Abel alimwambiaka Mungu n'exauce pas l'offrande de mon frère hapana kukubali sadaka ya nduku yangu. Il a porté seulement envie sur son frère. Ari let arbamba tu chuti kwandu kuyake. À cause de la bénédiction de Dieu. Sababu tu ya baraka ya Mungu. Que Dieu avait donné à Abel sur son offrande. Ile Mungu alimpatia Abel juu ya sadaka yake. Il a conçu de la haine. Ari tunga tu chuki. Dieu a vu cela. Abel n'avait rien vu. Mungu ya runaka, Abel aimait son frère Caïn. Abel kwa shampenda nduku yake Kaina. Il n'avait pas de problème avec lui. Akwa kina mambo naye. Mais lui avait conçu de la haine. Lakini ye Kaina alitunga chuki ndani yake. Le sentiment nia était déjà corrompu. Ilikuwa shakuharibika. Dieu vient. Mungu anakuja. Caïn. Kaina. Unashirika juu ya nini? Pourquoi es-tu irrité? Kama bile we ulifuana biko bia bia. Si ce que toi tu as fait était bon. Utashirikia nini? Pourquoi tu es irrité? Angara mi naona. Oh, voilà je vois. Ile plan mubaya. Ce mauvais plan. Una concevoir contre ndugu yako Abel. Que tu as conçu contre ton frère Abel. Miko na kukonseye. Je te conseille. Lucifer, ou la ritomboka mumbing. Lucifer qui s'est rebellé. Aringi andani ya nyoka. Était entré dans le serpent. Na anarabisha baba yako na mama yako. Et il a corrompu ton père et ta mère. Voyez, yeye analala kumku kwa mlango yako. Et voici il dort devant ta porte. Eko muro yako. Il est dans ton cœur. Ma démon iko muro yako. Les démons sont dans ton cœur. Conseil que je kuwapatia. Le conseil que je te donne. Acha. Achana na ile mapepo mchafu. Abandone ile sentiment ya chuki na ya kuwaji ule inakulamuka muroho. Oui domine. Oui winne. Ajayo. Achana na ile mawazo. Abandone ces mauvaises pensées, ces mauvaises pensées. Mwebenye mnajua réponse ya Caïn. Vous-même vous connaissez la réponse de Caïn. Il est allé Arienda jusqu'à tuer son frère. Il n'a même pas entendu les exhortations. Frère, kama uko na ile tabia, si vous avez ce comportement à l'égard de vos frères, devant les frères, à l'égard de vos frères, devant les sœurs, à l'égard de vos pagano, devant les païens, à l'égard de Bibi Yako, à l'égard de Bwana Yako, tu as toujours en toi l'esprit de vengeance. On a ce qui a chuki. Il est à couiller la royale. Il qu'on a coupé des méchants. Il a coupé monsieur Daniel. Ah, on a mutoto wa Mungu. Où comme mutoto wa upotevu. Vous êtes un enfant de la perdition. Tu es habité par les esprits de l'enfer. Mwenyewe kuikariwa na mapepo ya jena. Batoto ya Mungu. Les enfants de Dieu. Chuki na makari aiba tete meshake na maungu iko na batembea sema nyuma maungu iko na nitembea ni mademo. Ce sont les démons. Tu n'es pas un fils de Dieu, tu n'es pas une fille de Dieu. Una binti na mwana wa Mungu. Voyez frère et soeur, unaona banduku badada bana kushauria, tu ne comprends pas. On te conseille au elewe paka. est-ce qu'on a mouru bien, c'est mon frère? Tu as pardonné le frère ou la sœur? Ok, j'aille premièrement prier Dieu. Où que vous êtes Satan? Na Mungu mwenye hawezi kumuomba. Juu Mungu hawezi kuya kurankontre. Mtu wa chuki na mtu wa jilani. Un homme furieux, Dieu va le rencontrer pour faire quoi? Pour pardonner ton frère, pour pardonner ta sœur, il faut veiller au grand monde. Que toi tu puisses aller prier Dieu. La parole de Dieu dit clairement, si ton frère te demande pardonner avec tout ton cœur, est-ce qu'il faut encore aller prier? Vous êtes un démon? Ou que tout démon? Vous êtes un fils ou une fille d'Ésaü? Tu montres ta progéniture. Tu montres d'où tu viens. J'agirai comme il m'a fait. Non, ce n'est pas chrétien. Il est un Christou. Ce n'est pas honnête. Aina, c'est une haine sans cause. Toi-même, ni chuki toi na sabah. San, frère. Duku. On a muchuki à Dieu. Pourquoi vous le haïssez? Non, je suis mon penda que tu. Non, je ne l'aime pas tout simplement. Quand on mona. Si je le vois. Ma ongu la nitembea ka. Mon cœur. Et même dans mon cœur, je sens la haine. Vous êtes simplement Satan. Tu as des démons. Pourquoi on a ma démon? Tu n'es pas de la famille chrétienne. Ah, on a un jamais pas Christ. Tu n'es pas un Israélite. Ah, on a un Israéli. Tu n'es pas un chrétien. Ah, on a un Christ. Les chrétiens n'ont pas ce comportement. Christ, on a un Les chrétiens n'ont pas cette nature. Christ, on a un Israéli. Oui, bien mes frères. Pourquoi la haine? Pourquoi la colère doit persister longtemps dans ton cœur? Il y a quelque chose d'anormal. Tu y es d'une mauvaise semence. Pourquoi Kassirani? Pourquoi la fureur? La fureur. Et d'avoir écouté mon dernier accord. Longtemps sur un frère. Pendant longtemps, il y a un longtemps sur une sœur. Pendant longtemps, il y a des années, des années. Miaka na miaka. Kamamo kiloko, on a kumbuka. Tel frère de Fanyaka. Tel sœur m'avait fait cela. Vous voyez? Le Saint-Esprit te dit. Baba yako ni Ésaü. Ton père, c'est Ésaü. Amen. Voyez bien mes frères. Munaona wapendo banduku. Véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu, née de nouveau, même s'il se met en colère, sa colère ne dure pas. Il ne peut pas entretenir la haine contre son frère. Il ne peut pas entretenir la colère contre son frère. Il ne peut pas méditer la vengeance dans son cœur contre son frère. Mambo ya kushanga. Le problème qui nous étonne. Ni bibi na bwana. C'est que le mari et la femme. Dès qu'on a médité vengeance. Et ils se méditent ensemble de bibi bwana ko nateka bibi yak. Le mari frappe sa femme. Je crois ta femme a vu. Le jour où elle ferait ceci. Ah, c'est même comme roi yak. Bwana na ye bibi na ye kona sema. Je crois ta femme a vu. Il sentira. Le jour où il ferait cela, elle va me sentir. Une association de malfaiteurs. Vous n'êtes même pas un couple. Vous n'êtes même pas une famille. Parce que un bon couple protège sa famille. Mais des démons. Il médite la vengeance et cherche un moment favorable pour se venger. Les enfants d'Ésaü. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. Notre Dieu élan la colère. Ses enfants aussi sont là à la colère. hakuna nzambi, il n'y a pas de péché ile mtu atawezi kukutendea, que quelqu'un peut te faire te we fonder, en tant que mtoto wa Mungu, en tant qu'enfant de Dieu ushindwe kumusame haiko pardonner, il n'y a pas ce péché là. Ata mtu anaua baba yako, même si une personne tue ton kama père, kama na kulomba buluma, il venait te demander pardon. En tant que chrétien, tu es dans l'obligation de le pardonner. Na ruhusa ya kumusame. Ata mtu anaua mtoto yako kwanza, même si quelqu'un tue ton premier, ton néné, anaua bibi yako, il tue ton, ta femme. Frère, ana wole mutoto, we unapendaka sana, enfant bien aimé, unaanza kumwona sema ni heritier wako, que tu vois que c'était ça, unamtumainia sana, mtu anakuwa kumuua, une personne venait, kisha anaenda kujijuta, anakuwa kukulomba buluma, tu es obligé de le pardonner, unalazimisha kumhurumia. C'est ce que Christ a fait, a fait pour nous. C'est nous qui avons tué Christ pour nos propres péchés. Vous voyez bien, mes frères, si Christ, ou Dieu, si Dieu avait refusé de nous pardonner, parce que nous tous ici, nous sommes responsables de la mort de Jésus qui serait sauvé. Qui serait sauvé? Oh non! Oh! Arinifungishishaka! Mishiwezi kumurumia! Uko mpagano! Vous êtes simplement païen! Oh non! Oh. Arinchome akanyumba! Il avait brûlé ma maison! Oh! Arinibaka motoka! Il m'avait volé mon maison! Il n'y a aucun péché! Quel homme peut faire! Qui est impardonnable! Il n'y a que le blasphème contre le Saint-Esprit qui est impardonnable. Et le péché impardonnable, c'est Dieu qui en décide. Ce n'est pas toi et moi. C'est Dieu qui connaît les degrés du péché impardonnable. Il est Mungu à Wesu pour pardonner. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Les disciples ont dit, si ton frère t'offensait par jour, cette fois, est-ce qu'il faut toujours le pardonner? Jésus a dit, c'est 70 fois, fois 7. Cela c'est pour vous dire que un chrétien Christ, pardonne toujours. Il n'y a aucune personne qui a yake, yake, 479 fois. 490 fois. Ça n'existe pas. Le sentiment qui est en Christ, c'est de pardonner. Mais comme vous êtes spécialiste, si vous êtes spécialiste, Mukuchunga bishilani, en gardant la colère, Mukuchunga chuki, en gardant la haine, Mukuchunga vengeance, spécialiste de garder la vengeance, tu n'es pas un fils de Dieu. Auna mwana wa Mungu. Na uyu akusema, et sachez que tu récolteras exactement ce que vous méditez. Kile wangu nafikiri, te payera. La vengeance vous payera. Ta colère te payera. Parce que tu avais une haine persistante. Parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël. Il est Dieu qui urukuya nayo. Dieu le kufikisha. Ouwe batota Israël. Au jour de leur détresse. Quelle est leur détresse? C'est lorsqu'il avait offensé Dieu. Israël avait offensé Dieu. Et Dieu pour le punir, il dit je vais vous disperser. Il subissait le fouet de Dieu. Et tous ces gens ici, les voisins, en ont profité. Quand Dieu était en train de corriger ses enfants. Tous ces gênés voisins, ces méchants voisins, allons profiter. Ils ont sorti leurs lances, leurs bombes pour anéantir Israël. C'est pourquoi Dieu leur dit ceci. Vous ne l'avez pas fait parce que Israël vous a offensé, non? Israël avait des problèmes avec moi, son père. Et c'est moi qui l'ai châtié. Et vous, pendant que moi je le châtiais, vous avez profité à travers votre haine qui date des millénaires et des millénaires. Vous avez sorti vos armes pour tuer Israël. Autant où l'iniquité était à son terme. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je mettrai à sang. Je te mettrai à sang. Et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang, ville au kuchuki et damu. Un chrétien appena que kumwanga damu n'aime pas verser le sang. Kuko bantu wanapenda kumwanga damu verser le sang. Kama shimwanga damu, il ne verse pas le sang. Royaka ifraiwe, son cœur n'est pas content. Kama shichimanga muntu, il ne me dit pas. Royaka ifraiwe, son cœur n'est pas content. Kama shichambule muntu, royaka ifraiwe, son cœur n'est pas content. Son cœur n'est pas content. Il y a des gens à cause de leur haine. Ils aiment verser le sang de s'il ne critique personne, son cœur n'est pas content. S'il critique, il est sur son bien. S'il est l'injurie, il se sent très bien. S'il se sent très bien. C'est là le fruit de la haine. Nintunda ya chuki. Et Dieu na Mungu dit à Esaü, anamonesha Esaü, saivi ulifurahiwa comme tu t'es réjoui kumwanga damu, en versant le sang, na ni damu kani ulifurahiwa kumwanga, et c'est quel sang pour lequel tu t'es réjoui kumwanga damu de verser le sang d'Israël. Ao kushikia boka, tu n'avais pas peur. Tu n'étais pas retenu. Parce que tu n'as pas eu le sang. Ville à Kuchuki et Damu. Le sang te poursuivra. Damu itakufuata. C'est vrai, frère. Dans la traduction parole de vie. Mukugeuza kwa parole de vie. L'écriture ici dit. Iya ndiko nasema hivi. Le sang que tu as versé. Damu ile urumwanga. Demande la vengeance. Iko na lomba kulipisiwa kisasi. Amen. Le sang que tu as versé. Le sang d'Israël que tu as versé. Réclame la vengeance. Iko na lomba ilipisiwa kisasi. Ce que tu sèmes, kile unapanda, tu vas le récolter. Utakivuna. On ne se moque pas de Dieu. Sèmons l'amour. Nous récolterons l'amour. Sèmons le pardon. Nous allons récolter le pardon. Ne soyez pas les instruments du diable pour détruire nos frères et nos sœurs. Esaïe a oublié qu'Israël était son frère, de même sang, même père, même mère. Il a semé le sang, il a semé la haine. Et il a aimé déverser le sang. Le sang que tu as versé réclame la vengeance. C'est vrai, frère. Le sang te poursuivra. La haine que tu sèmes te poursuivra. Les calomnies que tu sèmes te poursuivront. La vengeance que tu sèmes, tu la récolteras. Amen. Les mauvais plans que vous montez contre quelqu'un, ces plans-là retournera contre vous. Il est un c'est toi-même qui tombera. C'est vrai, frère. Esaü a tué Israël. Il a versé le sang à cause de sa haine persistante, à cause de sa fureur. Et le sang d'Israël était en train de crier. Et le sang d'Israël réclamait vengeance. Parce qu'Israël, son sang réclame vengeance. Pourquoi? Il est encore sous la loi. C'est ce que laissent les martyrs qui ont été tués dans l'Apocalypse. Il réclame vengeance. Seigneur, jusqu'à quand te vengeras-tu? Dieu dit, attendez d'abord que le nombre de vos frères soit complet. Le temps viendra. Il y a un temps pour toutes choses. Frère, il y a au ciel un Dieu juste. Il va s'occuper d'eux. Celui qui a dit à moi la vengeance, à son temps, il va s'occuper d'eux. Oui, bien aimés frères et sœurs, ne vous vengez pas. Ne gardez pas de rancune, d'animosité à l'égard des frères, des sœurs, même des voisins, même des collègues de service. Soyez purs de cœur. Soyez purs de pensée. Ne vous chargez pas de sang d'autrui. Ne calomniez personne. Vous récolterez cela. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Le sang que tu as versé demande vengeance. Réclame vengeance. Oui, bien-aimé, frère. Oui, bien-aimé, soeur. Je ferai de la montagne de Seir une solitude, un désert. Je détruirai le pays de Dom. Oui, bien mes frères, dans la tradition parole de vie, Dieu dit, je détruirai ton pays Edom, et j'en exterminerai les allants et les venants. Je remplirai de morts ces montagnes, sur ces collines, dans tes vallées, dans tous les ravins, tomberont ceux qui seront frappés par l'épée. Je ferai de toi une solitude à toujours. Tes villes ne seront plus habitées. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Parce que tu as dit, les deux nations, les deux pays seront à moi. Quels sont les pays? Israël et Juda. Le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Esaü dit, les deux royaumes ici m'appartiendront. Comme tu as dit ça, voilà pourquoi tu as versé leur sang. Tu as versé leur sang pour récupérer leur territoire, leur deux royaumes. Tu voulais en avoir la possession. Et donné les propriétés. Ils ont le certificat d'enregistrement. Les titres de propriété que moi-même je leur ai donné. Toi, tu n'as rien. Mais tu les as tués. Tu les as dispersés. Tu as versé leur sang pour récupérer leur territoire. Alors tu sentiras ma colère. Ce n'est pas comme eux. Ne peut pas se venger. Moi, leur Dieu, moi, leur protecteur, moi, leur Seigneur, moi, leur Dieu, je me vengerai. On se moque pas de Dieu. Je détruirai ton pays, Edom. C'est vrai. Parce que tu as dit, les deux nations, les deux pays sont à moi. Et nous en posséderons la possession. Nous en prendrons possession. Quand même l'Éternel est là. C'est ce qui a énervé Dieu. Écoutez Kibouri. Il y a Esaü. L'orgueil d'Esaü. Même quand vous avez Dieu, dans d'autres termes, ma tradition ingine, même quand vous avez Dieu, même quand vous êtes dans le pays de Dieu, moi et Dom, moi et Saou, je vais ravir cela. Quel orgueil! Quel orgueil! Comment une personne peut s'opposer? C'est comme ça que beaucoup de frères et de sœurs insensés, sous la colère, sous la fureur, répondent. Même s'il faut aller en enfer, que Dieu puisse m'envoyer en enfer. Vous avez scellé votre âme avec l'enfer. Parce que la Bible dit, sur tes paroles, tu seras justifié. Sur tes paroles, tu seras condamné. Comment Edom? Dans sa méchanceté, dans sa haine contre Israël, avec Dieu, peut commencer à s'opposer à Dieu. Nos frères, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Même quand vous êtes dans le pays de Dieu et que vous avez Dieu, il ne peut rien. Est-ce que l'Église est avec moi? Oui, bien mes frères. Bible n'a semé ne touchez pas mes jours. La Bible dit il ne faut pas. Les gens ne comprennent pas ça. Oui, frère. Esaü. Ariwa Muzuri a kusema. Ça fait très bien que Mungu est avec Israël. Et même le pays Israël est connecté là. Occupe Israël. Il y a Israël. Ce n'est pas le pays d'Israël. C'est le pays de Dieu. C'est la avant qu'il y ait Israël. Avant que ça pousse à Israël, c'est le pays de Dieu. Frère. Dans tout le monde entier, il n'y a aucune capitale. Il est Mujikubwa. Que Dieu a déjà appelé. C'est mon lieu de repos. Nifazi yangu ya kupumzikia. Comme Jérusalem. Sawa Yerusalem. Là où il a placé son nom. Kula riweka ko jina laki. Sur cette terre ici. Kwa hii dunia pote. Dieu avait placé son nom. Il a un œil ouvert. Sur Jérusalem. Kula Yerusalem. Parce que Jérusalem lui appartient. Il a un œil ouvert. C'est Israël. Parce qu'il est une partie d'Israël. Esaïe dans son arrogance. Esaïe dans son orgueil. Esaïe dans la haine, dans sa haine. Contre Israël. Il fait défi à Dieu. Non. Apana. Atarika makama yenyewe. Même la témérité elle-même. Non, non, il fika que ayenda que jusque là. Ça ne peut pas arriver à ce point-là. Atakumunyu kuyala na chuki na bishilani. Rempli de la haine. Apprenez à contrôler. Mujifunze kuangalia simu yako. Mu Kristo wa kweli. Un véritable chrétien. Kama banamutaia neno la Mungu. Lorsqu'on lui cite simplement la parole de Dieu. Atakama alikuwa na cha kufuana kibaya ni kiachi. Même s'il voulait faire agir mal, il va abandonner. Il ne tremble qu'à la parole. Anatetemeka tu pas kuneno la Mungu. Wewe bwana kukonseye bana kuonesha neno la Mungu uko na uko na katala. On vous pointe la parole de Dieu, vous refusez. À quoi tu es un élu? Ça, ni muni, ni mule, vous êtes enfant de Dieu comment? Vous êtes devenu enfant de Dieu comment? Ville ni inchi ya Mungu. Même si c'est là le peuple. Ataivi ni bantu ya Mungu. Même s'ils sont le peuple. Ataivi beko na Mungu. Même s'ils sont. Mie mitema nyanganya paka ile inchi. Mungu abata ni fana kintu. Leur Dieu ne peut rien me faire. Ça, je ne pouvais pas accepter. Mungu akuweza kuichika hii hapana. Et nous en prendrons possession. Na tutebeba itakuwa yetu. Quand même l'Éternel est là. Ata vile wa milele ko pale. Donc, basi, ils ont même ignoré la présence de Dieu. Bariweza ta kusula kukatela uwepo ya Mungu. Il est là, mais nous allons l'ignorer. Lakini hatuta mwangalia ni pura ni. Nous sommes plus forts. Chetu kwa nguvu kabisa. Que l'Éternel. Kuliko milele. Quelle arrogance. Yeurikani. Kama uko na tenda nzambi. Si vous péchez. Sous la fureur. Chini ya hasira. Sous la haine. Chini ya gaya ya. Quand tu te venges. Wakati unalipisa kisasi. Uko na kansa uko wa nguvu sana. Sako muyuaji. Comme si tu connais beaucoup. Tu te prends pour un dieu. Unajibeba sa uko Mungu. Kumbe tu kutoka mtu ka bule bule. Et pourtant tu es un homme de moindre valeur. Amen. Quand même l'Éternel est là. Ata vile wa milele ko pale. Écoutez la réponse de Dieu. Musikie sasa jibu ya Mungu. Je suis vivant. Niko mzima. Dit le Seigneur l'Éternel. Anasema milele ya Mungu. J'agirai. Avec la colère. Katenda na kasira. Et la fureur. Na asira. Que tu as montré. Ile ulionesha. Dans ta haine contre eux. Muchuki yako kwa Israeli. Dieu répond, c'est bon, j'accepte, j'ai compris. Tous les mépris que tu as fait, et sur mon pays, et sur moi, mon peuple, et sur moi-même, j'appelle avec mépris, avec arrogance, avec orgueil. Tu n'as fait aucun cas de moi. Je prends acte, mais je te dis, je suis vivant. Dit le Seigneur l'Éternel. J'agirai avec la colère et avec la fureur que tu as montré dans ta haine contre eux. Voyez bien mes frères. Il est bichilani. Cette colère. Vous voyez. Na il est assis. Et la fureur. Il est orionesha. Et tu as montré. Yule Israël. Ah, à Israël. Na mumuchuki ya. Et dans ta. Mula uritenda contre eux. Que tu agis envers eux. Mita kulurishiai. Je vais te le retourner. Voyez bien mes frères. Non, on va peindre bandou. Je me ferai connaître au milieu d'eux. Mita jono kanisha katikati yabo. Quand je te jugerai. Wakati mita kukumu. Tu sauras que moi l'Éternel. Na jua kwamba mimi wa milele. J'ai entendu. Nilisikia. Tous les outrages. Mama touche yote. Tu as proféré contre les montagnes d'Israël en disant elles seront dévastées et nous sont livrées comme une proie. Vous êtes élevé contre moi par vos discours. Est-ce que vous suivez? Vous êtes élevé contre moi par vos discours. Vous avez publié vos paroles contre moi. J'ai entendu. Dieu dit, j'ai entendu, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, lorsque tout le pays sera dans la joie, je ferai de toi une solitude. À cause de la joie que tu as éprouvée, parce que l'héritage de la maison d'Israël est dévasté. Ville où la destruction ya nyumba yangu, ya watoto yangu, de ma maison, de mes enfants. Frère, la Bible dit, ne te réjouis pas du malheur de quelqu'un d'autre. Esaïe se réjouissait du malheur qui tombait sur Israël. Et Dieu a vu cela. Il a entendu ses paroles arrogantes. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé sœur. Attends, vous en parlez dans lui va entendre cela. Rien n'est caché devant Dieu. Toutes nos pensées sont nées devant l'Éternel. Toutes nos réflexions sont nées devant l'Éternel. Puis là, on a oisé comme une chambre. Ce que vous pensez dans votre chambre, Dieu connaît. Ce que vous pensez lorsque vous allez au champ, je connais. Et ce que vous pensez lorsque vous êtes assis là-bas, je connais tout. Voyez bien mes frères. Oui, bien aimé sœur. Regardez. Esaü. Il a parlé méchamment contre son frère. Frère. Bitu byote bibaya. Misemo yote mubaya. Matendo yote mubaya. Uko natende aba frère na ba sœur. Uko natende a Mungu. Na utaripa. Et vous payerez pour cela. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Cette église, vous allez les payer. Le propriétaire de l'église prendra sa défense. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Ouais, on a maté sur Israël. Quand tu vois la souffrance d'Israël, on a fraï. Tu te réjouis. On a une dame à Israël. Tu vois le sang d'Israël. Des enfants d'Israël qui est versé. Tu te réjouis. On a ses mains. Et tu dis, et je prendrai ma ville et ravirai leur ville. Voyez, Mali Yabo Mitabeba. Tu es content. Je prendrai. On a fura. Montoule qu'on a fraï. Celui qui se réjouit. Jour Yamate, ce avant de Benine. Le malheur des autres. Ni Shetan, ni. C'est un Satan. Voyez bien, un frère. Nalana itatoka kamunyumba yake. Celui qui se réjouit des malheurs de quelqu'un d'autre. La malédiction ne quittera pas sa maison. C'est vrai, frère. Muntu nyumba ina mulungula. Oh, anashikia. Oh, il atayamba le atayamba. Il va sentir cela. À la fois un accident. Il a commis un accident. Il devait même mourir lors de l'accident. Oui, mouro yako. Toi, dans ton cœur. Una frayi waka paka na bibaya. Kile kuna fikia bantu bengine. Du malheur qui arrive. Kama Mungu anabariki mtu. Anabariki dada. Mouro yako unasikitika. Ton cœur c'est. Tu as l'esprit de Esaü. Vous connaissez le roi Esaü. Edom. Edom. Mutoto wa Kayen. L'enfant de Kayen. Batoto ya nyoka. Les enfants de serpents. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. À cause de la joie que tu as éprouvée. Parce que l'héritage de la maison d'Israël était dévasté. J'ai été traité de la même manière. Tu deviendras une solitude et d'homme. Montagne de Seir. Milima ya Seir. Toi. Weye. Edom tout entier. Na Edom yote mzima. Et ils sauront. Na batajua. Que je suis l'Éternel. Ya kwamba niko Yehova wa milele. Frère. Banduku. Sœur. Badada. Ayons le sentiment qui était en Christ. Tuwe na nier kwa ndani ya Kristo. Apana kufuanya ne fais pas chuki n'engendre pas la haine. Apana kufanya chuki. N'excite pas que la haine. Ikuye maisha yako. Et cela soit votre vie. Apana kufanya vengeance. Ne fais pas la vengeance, la colère. Kufurahiwa. Se réjouir. Juu ya mateso ya bantu bengine. À cause du malheur des autres. Ikuye maisha yako. Que cela soit ta vie. Apana kuruminer vengeance dans ton cœur. Il ne faut pas même si quelqu'un ne t'a rien fait. Même si quelqu'un t'a fait quelque chose de mal. Pardonne. Amen. Ouais bien mes frères. On a pas peine de bandoku. Mais regarde. Ça c'est Angaria. Regarde ce que Edom a fait. Angaria qui a son propre frère. Arifanya kwa nduku yake. Regarde ce qu'il a fait à son propre frère. Angaria qui a arifanya nduku yake. Regarde comment il se réjouissait de son malheur. Que Dieu nous aide. Que Dieu éloigne de nous cet esprit de Esaü. Cet esprit de Caïn. Il est roi à Caïna. Priez dans votre cœur. Dites Seigneur, ôte-moi cet esprit qui était en Caïn. Cet esprit qui est tombé sur Edom, sur Esaü. Seigneur, donne-moi l'esprit qui était sur Abel. Donne-moi l'esprit qui était sur Abraham. Donne-moi l'esprit qui était sur Isaac. Donne-moi l'esprit qui était sur Israël. Donne-moi l'esprit qui était en Jésus. Divorcez avec l'esprit de l'ennemi. Divorcez avec l'esprit de l'ennemi. Ne vous réjouissez pas du malheur des autres. Je n'ai lu que ce seul verset. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour un mot de prière. 2 minutes de prière. J'allais seulement prier vous libérer. Mais comme le Saint-Esprit a dit des choses très importantes qui touchent directement nos cœurs, nos vies. Dans 2 minutes, exprimez, voyez, selon l'Esprit, selon la parole qui a été apportée, demandez à Dieu un secours véritable. Pour que l'esprit du diable, l'esprit qui était sur Esaü, ne vienne pas habiter nos cœurs. Prions-nous tous ensemble.